vous l'avez compris. Les oreilles, c'est une machine extraordinaire à digérer les sons. Un vrai petit trésor. Et si vous ne les protégez pas, voilà ce qui vous guette. Insupportable, ce sifflement. C'est ce qu'on appelle un acouphène. Sachez que certaines personnes peuvent l'entendre plusieurs heures d'affilée, voire même en permanence dans les cas les plus graves. Un vrai calvaire. Et pas grand-chose à faire, parce que ce bruit est le signe que vos oreilles sont endommagées. La faute à qui ? À la cochlée. Vous savez, c'est ce petit organe de l'oreille interne en forme de colimaçon. À l'intérieur, il y a des cellules ciliées qui sont chargées de transformer les sons en messages nerveux. Comment ? Eh bien, quand les ondes sonores arrivent au tympan, la vibration est transmise par des os minuscules jusqu'à la cochlée. Le liquide à l'intérieur du colimaçon se met à vibrer à son tour et fait battre les cils des cellules. Les problèmes commencent lorsque l'on écoute trop longtemps des sons trop forts, car la pression sur le liquide de la cochlée est telle qu'elle finit par endommager les cellules ciliées. Du coup, elles ne captent plus rien. Et le cerveau, qui trouve ça bizarre, essaye d'amplifier tout ce qu'il perçoit pour compenser. On entend alors le bruit de fond créé par l'activité du cerveau. Un peu comme quand on écoute un blanc sur un enregistrement et qu'on monte le volume à fond. On entend un petit sifflement. Dans les oreilles, c'est pareil. Donc, un conseil d'ami. Ne poussez pas trop le volume de vos baladeurs.